On parlait littérature. Oui. Et donc de Martha. Et de Martha Grimes. Nom très anglais pour une américaine. Donc c'est une auteure, comme je viens de le dire, américaine, qui écrit des romans très anglais, qui colle très bien avec son nom, puisqu'elle nous fait la plupart du temps des romans policiers avec un couple, pas vraiment d'enquêteurs. Il n'y en a qu'un des deux qui est enquêteur. C'est Thomas Linley, qui est un enquêteur de Scotland Yard, s'il vous plaît. Et Melrose Plant qui... je ne sais pas comment on dit en anglais. Melrose oui. Plant. Ça ressemble à Melrose Place, sauf que c'est Melrose voilà. Plant. Qui, lui, en fait, est un noble. Il est comte de Caverness. Et, il a des titres à rallonge. Et il vit en dilettante. Donc, il a plein d'argent. Il vit en dilettante. Et il s'amuse. Il est souvent enrôlé par Thomas Linley pour infiltrer en douce le milieu dans lequel il doit enquêter, Thomas Linley. Et donc, il se fait passer pour un peu de tout, pour un jardinier paysagiste, pour un type qui veut ouvrir un haras. Donc, il n'y connaît rien en chevaux, il n'y connaît rien en jardinage, mais il se retrouve toujours embarqué dans des histoires où il est obligé un peu de raconter des choses aux gens qui, heureusement pour lui, la plupart du temps, n'y connaissent pas plus que lui. Et donc, il fait souvent illusion en racontant beaucoup de choses. N'attends pas, Xavier. Donc, c'est toujours très succulent, parce que c'est un côté très un peu surréaliste. Et en même temps mélangé à des enquêtes policières très noires. Donc ça, c'est pour sa série principale. Et à côté de ça... Elle nous a déjà sorti deux romans, et celui-ci qui s'appelle Les fantômes du palace, le troisième tome, qui sont les aventures ici de Emma Graham. Emma Graham qui a 12 ans et qui, elle, vit, on ne sait pas très bien où c'est, mais là c'est en Amérique, donc ça ne se situe plus du tout en Angleterre, c'est ces livres-là, dans une ville qui s'appelle La Porte, et qui, on devine que c'est du côté de la Louisiane, dans ces coins-là, du parce nom. Que la ville s'appelle La Porte, la ville voisine s'appelle Lake comme lac en anglais, Lake, mais noir, N-O-I-R, en français, et la ville à côté s'appelle Cold Flat Junction, donc ça sonne très Louisiane, même si c'est jamais vraiment bien dit exactement où l'Amérique c'est. L'Amérique profonde, en tout cas. Mais on est dans l'Amérique profonde. Donc vraiment les petits villages qui sont un peu pas coupés du monde, mais qui ont encore une ambiance très... On a l'impression qu'ils sont restés dans les années 50, que la modernité, tout ça, n'est pas encore venue un peu les frapper avec son capitalisme ambiant et tout. Donc c'est vraiment des gens très... très de l'Amérique profonde, un peu les rednecks limite. Et donc Emma Graham... habite au paradis, à l'hôtel paradis, dont sa maman s'occupe. Elle est la cuisinière et sa maman donc avait épousé son père, était donc un paradis, donc l'hôtel lui appartenait, mais sa mère n'est pas une paradis, donc elle tient l'hôtel, mais comme elle n'avait plus beaucoup d'argent, eh bien, elle s'est associée avec une certaine Lola Davidoff pour tenir l'hôtel tant bien que mal. Et donc Emma Graham est chargée pendant les vacances de servir à table les clients, elle sert les salades, et à ses heures perdues, comme elle a beaucoup de temps libre, puisque on comprend très vite que sa maman, donc son père est mort, elle n'a déjà plus de papa, sa maman s'occupe très peu d'elle, donc elle passe ses journées un peu à droite à gauche, personne n'est vraiment très préoccupé de savoir où elle est, ni si elle rentre, ni si elle mange, ni des choses comme ça. Donc elle est un peu livrée à elle-même. Et pour passer le temps, elle écoute un peu, elle se balade dans Spirit Lake, la ville à côté de là où elle habite. Et elle écoute un peu les potins, et puis elle apprend des choses, comme ça, des petites histoires un peu bizarres d'une jeune fille qui, dans les années 70, a été retrouvée noyée, qui s'est passée pour un accident. Mais elle trouve ça un peu bizarre qu'une jeune fille de 12 ans ait été la nuit en canot sur un lac. Donc elle commence un peu à mener son enquête. Et dans les deux premiers tomes, qui s'intitule Le meurtre du lac et le crime de Ben Quinn, elle résout l'affaire. Ah, c'est une détective en culotte courte. Oui, si on peut dire. Et donc ici, c'est le troisième tome et c'est pas vraiment un tome au sens propre du terme. On n'est pas obligé d'avoir lu les précédents pour comprendre. C'est le troisième volet, voilà. Ici, donc, elle est devenue une célébrité, après les deux premiers où elle a résolu l'affaire. Et le journal local l'a chargée donc d'écrire son histoire. Et là, elle a déjà écrit deux chapitres. Et elle en est au troisième, elle est à la page blanche. Parce qu'en fait, elle a déjà tout raconté dans les deux premiers. Donc elle se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter maintenant? Et donc, elle continue ses pérégrinations un peu à droite, à gauche, en discutant avec les gens. Et elle... De nouveau, elle glane une histoire qui pique sa curiosité. C'est l'histoire du Bel Rouen, qui est un autre hôtel qui a brûlé il y a une vingtaine d'années. Et dans les années 70, de nouveau, s'est passé quelque chose de bizarre. C'est que un couple riche qui était de New York et qui venait passer donc ses vacances dans la région, lors d'un bal, eh bien leur bébé a été enlevée, un peu à la manière de Lindbergh. C'est introduit dans la chambre à l'aide d'une échelle, là où le bébé dormait. Et on n'a jamais retrouvé le bébé, mais ce qui fera vraiment plus la curiosité d'Emma, c'est que les parents et surtout le beau-père, donc le père de la mariée qui avait l'argent, a étouffé l'affaire et donc ils ont disparu, sont retournés à New York, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux et personne ne sait ce qui est devenu le bébé. J'ai cru qu'il avait étouffé le bébé. Non, mais donc... on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc ça pique la curiosité d'Emma Graham et voilà, pendant tout le bouquin, elle va un peu... Mais elle ne va pas à l'école, cette jeune fille? Non, c'est les vacances. Ah, c'est les vacances. C'est les vacances. Plutôt d'aller en stage à Debs, elle enquête sur des meurtres. Mais oui, voilà. Le bon vieux truc de mais vacances. Elle est livrée à elle-même, on peut carrément dire ça, elle est livrée à elle-même et donc voilà, elle mène un peu l'enquête, mais c'est pas du tout un livre policier. Si vous vous attendez à du suspense tendu comme une corde de guitare avec des rebondissements, des meurtres, des crimes, tendu des comme suspens... une corde de guitare, ça faisait longtemps ça. Et c'est une belle non. Image, oui. Alors vous allez être sérieusement déçu parce que c'est pas du tout ça. C'est plutôt une chronique légère, voilà. C'est donc, tendu plutôt comme une corde de ukulélé alors. Oui, une toute petite corde, voilà. Ouais. Et parce que ouais. C'est vraiment l'histoire de c'est écrit en jeu. Voilà, c'est Emma Graham qui raconte sa vie, voilà, elle raconte ses vacances, comme si on était dans sa tête. Enfin, et le meurtre est plutôt une espèce de fil rouge qui donne un peu un sens à toutes ces déambulations pendant ses vacances, dans tous les villages voisinants, autour du lac et tout ça. Et, c'est plus une question d'atmosphère. Alors. Voilà, c'est vraiment une atmosphère, si vous voulez, des intrigues. Et parce qu'en plus, on ne sait pas ce qui se passe à la fin. On n'a pas la résolution. Comme elle gâche tout. On n'a pas la résolution du bébé, du machin, du pourquoi, puisque, à mon avis, il y aura un quatrième tome, parce que vraiment, la dernière phrase, suspense. C'est vraiment en plein milieu d'une action. Donc, oui, carrément. Donc, il y aura sûrement un quatrième tome. To be continued. Mais ce qui fait vraiment le sel de ce livre, c'est l'ambiance, la description du village, des personnages qu'il habite, et puis Emma Graham, elle est succulente, elle est adorable. C'est vraiment la. Il y a un petit côté un peu triste comme ça de la savoir parce que elle se rend compte que personne ne s'intéresse à elle dans sa famille, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et donc elle se fait un peu des amis à côté. Donc elle devient amie avec le shérif local. Ils passent leur temps à faire les parcs-mètres et ils discutent de l'affaire un peu comme ça avec lui. Et elle lui raconte ce qu'elle a glané à droite à gauche. Elle enrôle un Duane qui est un garagiste local dans l'affaire, qui est ainsi braconnier et qu'elle enrôle dans son histoire un peu malgré lui parce qu'elle l'a surpris quand il faisait un braconnage, quand elle était occupée à enquêter dans les bois. Et ben maintenant, elle en a fait son copain et elle va le trouver. Chaque fois, elle lui dit ce soir, tu viens à 19h, on a rendez-vous là, on va aller avec ton pick-up, on va aller au vieux bâtiment, à l'hôtel qui est en ruine, je veux aller enquêter. Donc, elle l'enroule un peu et lui, il joue un peu le jeu. Enfin, il se moque un peu d'elle en même temps. Mais enfin, c'est vraiment... Non, mais vas-y, continue. C'est vraiment des personnages qui sont vraiment... très bien campés tous les uns les autres et donc voilà, on s'attache à cette gamine parce que c'est une gamine qui est très vive, qui est très intelligente, qui est pleine de malice en même temps parce qu'elle mène son enquête, mais la plupart du temps, à part deux et nous quelques personnes qu'elle a mis dans la confidence de ce qu'elle fait, eh bien, la plupart du temps, elle ne dit pas aux gens quand elle va les interroger pourquoi elle vient les interroger. Donc, elle est toujours en train d'élaborer des stratagèmes pour arriver à faire parler les gens de ce qu'elle veut apprendre sans qu'ils sachent de quoi elle veut parler. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils se rendent compte qu'ils lui donnent des informations. Donc, elle trouve tout plein de petits stratagèmes et tout. Ce qui est aussi très amusant dans ce livre, donc, c'est que l'ambiance est très bien campée, mais en même temps, c'est plein de seconds personnages qui sont tous plus bizarres les uns que les autres. C'est que on a par exemple sa grand-tante Aurora Paradis qui vit en haut de l'hôtel dans le dernier étage et qui ne sort jamais. Elle a 94 ans et donc comme c'est une source d'informations pour elle, elle voudrait bien aller l'interroger, mais c'est un peu une sorte de Tati Daniel. C'est qu'elle ment tout le temps, elle ne veut jamais dire la vérité, et surtout, elle est un petit peu alcoolique. Alors elle trouve un subterfuge pour la faire parler, c'est-à-dire lui créer des cocktails avec ce qu'elle trouve dans le bar, et elle invente des cocktails, elle leur trouve des noms, et puis elle lui raconte des bobards à la vieille tante pour la faire parler. Alors elle la saoule un peu limite avec les cocktails. Donc ça c'est pour la grand-tante. Il y a aussi NEGB et NEPB qui sont appelés comme ça parce que en fait leur plaque d'immatriculation c'est NGB et NPB, et comme ils sont aussi très vieux, eh bien c'est aussi une source d'information pour elle. Alors avec monsieur Roust, qui est aussi un vieil homme du village, eh bien ils vont s'asseoir tous les quatre sur un des bancs du village, et NEGB et NEPB lui racontent leurs souvenirs, mais la particularité c'est qu'ils ont tous les deux un défaut de prononciation, tous les deux différents, mais bref, donc ça donne des passages succulents où elle et monsieur Roust essayent de décrypter ce que les deux vieux hommes sont en train de lui raconter. Il y a aussi son frère où il... donc il y a une pléthore de second personnages. Il y a son frère et Emile. Son frère s'appelle Will et son meilleur copain s'appelle Mille, qui eux sont enfermés dans le garage, n'en sortent jamais et en fait sont en train de monter une pièce de théâtre qui est une adaptation de Médée, donc la tragédie grecque avec Médée qui assassine ses enfants, en comédie musicale. C'est une super bonne idée, moi. Parce que pour son frère, les Grecs sont très forts en comédie musicale, en tragédie grecque, ils aiment bien s'assassiner l'un l'autre. Mais en comédie musicale, la tragédie grecque, ils ont franchement, ils ont beaucoup de lire, tous ces Grecs, mais ils n'ont pas beaucoup de piano, donc il faut un peu moderniser tout ça. Donc, d'ailleurs, Woody Allen est passé par là. Hein. Ouais. Ah. Donc, j'allais dire que c'est pas faux. Donc, ouais. Il y a plein de personnages comme ça, secondaires, tous d'un surréalisme qui donne des scènes inoubliables. Donc c'est un livre qui est très drôle, c'est succulent à lire. Si vous asseyez dans votre fauteuil, vous prenez un bon verre à côté de vous et vous pouvez plus le lâcher. C'est vraiment, on s'attache à tous les personnages. Tous, ils sont vraiment particulièrement bien caractérisés. Ils prennent tous vie et tout est cohérent, tout s'emboîte l'un l'autre. Et ça fait vraiment des situations d'une drôlerie extrême. Donc, moi, c'est un livre que j'adore. C'est un personnage, là, Emma Graham, que j'adore. Quand Martha Grimes me sort un nouveau livre d'elle, je me précipite dessus parce que c'est vraiment très drôle, c'est succulent, c'est bien écrit. Et puis, ça donne envie de manger, en plus. Bah oui. Parce que cette jeune fille, elle est quand même très rusée, mais elle est très gourmande aussi. Et sa mère est la meilleure cuisinière de 100 km à la ronde. Du monde. Et donc... Elle passe son temps à nous décrire les recettes que sa mère lui fait à manger, et je vous assure que si vous lisez ce livre, vous n'aurez qu'une envie, c'est manger les roulés au fromage avec la sauce au fromage de sa mère. C'est un petit bijou de littérature. C'est pas du tout policier. Si vous cherchez vraiment les intrigues tendues comme un... Non. Passez votre pas chemin. Tendu. Mais si vous aimez les histoires de personnages, les trucs un peu surréalistes, les choses vraiment très drôles, précipitez-vous sur ce livre parce que on ne peut pas ne pas aimer si si on commence une... Voilà, comme dirait Jean-Jacques Rousseau, si vous n'aimez pas, vous mourrez dans les deux jours. Exactement. Donc, c'est un livre de Martha Grimes qui s'appelle Les fantômes du palace. Aux presses de la cité. Moi, ça me fait vachement penser à Cookies Fortune, à des dernières. C'est vrai. Dans l'atmosphère, en tout cas dans la description que tu en fais. C'est possible, je n'ai pas vu. Tout à fait. Ça ferait penser un peu à l'histoire de Stand By Me dans le. Stand By Me, ça fait pleurer. Mais en drôle. Ah oui, c'est ça, voilà. Stand By Me, version comédie. C'est un concept.